Alors, nous sommes avec Denis Élie Béchard. Est-ce que je prononce bien ton nom? Oui, Denis Élie Béchard. Oui. Et Natacha Canapé-Fontaine. Salut. Allô? Quoi? Et nous sommes toujours avec Marie. Ouais, quoi? Quoi? Et nous allons donc nous entretenir sur le livre Quoi? Conversation sur le racisme. Oui, je te salue. Ouais, parce que là, j'ai pas le livre, en fait. Fait qu'il y a le titre, mais qui est loin de moi. Mais on va commencer par un extrait que Natacha va nous lire. Quoi, Denis? Je me demande souvent combien de temps il nous faudra pour ouvrir les yeux et nous défaire de tous ces carcans psychologiques. On se raconte des histoires, on s'échange de l'information. Et pourtant, tu me fais découvrir d'autres perspectives qui tendent à démontrer que le racisme n'existe pas seulement en Amérique, mais bien partout dans le monde. Et partout, il est nourri par le vil mécanisme du néocolonialisme. En ce moment, nous sommes les spectateurs d'une crise globale qui affecte la planète entière. Crise économique, crise environnementale, crise sociale, crise spirituelle. On peut s'attendre à ce que le réchauffement climatique engendre le pire, jusqu'à la crise humanitaire généralisée. Avec toutes les alertes au terrorisme qui planent actuellement sur les pays occidentaux, eux-mêmes très impliqués dans les guerres au Moyen-Orient, il semble que l'espoir se fasse rare comme une eau de montagne. Ces événements me font comprendre que les colonisations, quelles qu'elles aient été, nourrissent finalement bien des hargnes et des révoltes actuelles. Je suis un peu triste depuis que j'ai pris conscience de cet enchevêtrement de causes. Tes lettres me permettent d'élargir ma vision du monde, au-delà du Québec où il ne se passe encore rien de trop grave. Je réfléchis à tout, je m'interroge sur tout. Parfois, je me demande si mon rapport à la décolonisation est juste. J'essaie d'être la moins colonisée possible, mais j'ai peur de me tromper. Comme si je devais douter de cette intuition avant de passer à l'acte et me décoloniser pour de bon. Bien sûr, je me suis détachée depuis bien longtemps du système de consommation matérielle, qui carbure à la compulsivité. Je n'achète plus rien dans les grands magasins. Je réutilise ce que je trouve. C'est une façon de respecter ma conscience écologique et de me soustraire à la pression sociale à consommer toujours davantage. Depuis que j'apprends notre histoire, que j'écoute le récit de nos événements passés, que j'intègre nos différents mythes et légendes, que je retrace nos mémoires, je reconstitue ma fable personnelle. J'en reconstitue les éléments matériels, mais aussi imaginaires, culturels, spirituels. Je restructure le mouvement d'immigration de nos peuples dans une carte mentale. Je recrée le pays tel qu'il se présentait à l'époque des paysages grandioses et des arbres majestueux. Le pays avec ses profondes racines millénaires. Le continent réel, dans toute notre conscience de lui. Et si nous osions penser à ce pays rêvé comme nous pensons, oui, à toutes les instances politiques et gouvernementales existantes, dont la puissance est somme toute effrayante? Si en nos esprits nous faisions gronder la terre et le territoire, son corps et son épiderme, si nous les faisions danser devant les hurlements de peur et les grincements de dents que ce pays rêvé semble provoquer. Ce qui me ramène à la question du génocide. Comme je l'évoquais un peu plus haut, nous savons désormais que les rhizomes de la colonisation sont encore très vivants. Mais vient toujours un temps où un système construit sur des bases malsaines n'arrive plus à se perpétuer. Un jour, on finira bien par voir surgir le grand instinct de survie de l'humanité. Enfin, je l'espère. Donc, on arrive à parler de ce livre qui est « Quoi, je te salue, conversation sur le racisme » pour reprêter le titre puisque je l'ai manqué au début. Donc, dans cette situation qu'on a parlé au tout début, puis on parle souvent dans notre émission d'écocide et des génocides, et qui se continue à travers différentes formes encore aujourd'hui. Donc, c'est aussi pourquoi faire une émission et un livre sur le racisme systémique qui prend différentes formes. Mais pourquoi, dans votre cas, en êtes arrivé à écrire ce livre, tous les deux? D'où vous partez tous les deux pour écrire ce livre? Bon, Natacha, on commence... on se connaissait déjà. On s'est rencontrés plusieurs fois dans les salons du livre. Et on était au salon du livre de la Côte-Nord. Et Natacha est venue pour lire une lettre à Denise Bombardier. Et je pense que c'est mieux qu'elle raconte un peu cette partie, puis je reprendrai l'histoire peut-être après. OK. Ben, justement, je me rendais au Salon du livre de la Côte-Nord l'année dernière, à Sept-Îles, donc. Puis j'y étais vraiment pour la simple raison que c'était peu de temps après que Denise Bombardier ait écrit une chronique avec des propos assez racistes et méprisants dans le Journal de Montréal à propos des Autochtones et de la culture autochtone qui, selon elle, était mortifère et antiscientifique. Donc on a été, plusieurs personnes, avoir été vraiment dérangées par ces propos, surtout moi. Moi, j'ai été très, très, très, très en colère. Et j'arrivais pas à y croire, en fait, qu'il y ait encore des gens qui se permettent d'écrire des choses de même et qui pensent encore comme ça aujourd'hui. Fait que, à l'époque, je me suis dit, bon, j'apprends qu'elle va au Salon du livre à Côte-Nord, puis cette année-là, je suis pas invitée, puis là, je sais que Denis y va, parce qu'on s'était parlé avant. Et là, je me dis, cette dame-là, ne sait pas. Ne connaît pas les Autochtones, ça c'est clair, ne connaît pas la présence autochtone à cette île, la présence Innu. Et je me dis, moi, ils montraient c'est qui les Innu, puis moi, ils montraient c'est qui des femmes Innu. Et là, finalement, je me suis dit, j'ai contacté plein de femmes Innu, des communautés de Ouachat Makmaliotenam, par Facebook, en privé. Donc c'était vraiment, puis j'aurais dit, passez-vous le mot entre femmes, mais dites-le pas à personne d'autre. Fait que c'était vraiment comme, et là j'ai dit, Denise Bombardier donne une conférence à telle heure au Salon du livre, puis j'ai décidé que ça allait être là, que j'allais intervenir, et que j'allais lire une lettre qui rectifie ses propos, mais qui les sort publiquement, et qui rectifie ses propos en public, donc devant son public à elle, mais devant aussi les gens du Salon du livre. Et donc, finalement, ça s'est fait ce week-end-là. Je l'ai fait. Je me suis rendue là-bas. J'étais à Chicoutimi à l'époque, puis c'est ça. J'ai même amené une amie de Pessamit avec moi. J'ai dit, toi, tu viens avec moi, puis c'est ma meilleure amie. Puis finalement, il y a eu une dizaine de femmes qui se sont présentées. Puis j'ai attendu le début de la période de questions pour arriver là. Puis j'en avais parlé à Denis, donc Denis était là. Et donc, ça s'est fait. Je me suis levée. Au moment où je me suis levée, j'ai entendu les femmes se lever aussi derrière moi. Puis je me suis avancée, j'ai lu le truc. Mais j'ai surtout terminé en disant, ici, on a deux symboles. On a la métaphore, on a l'analogie. C'est une femme autochtone qui veut parler à une femme québécoise et qui estime qu'à partir d'aujourd'hui, elle devrait se parler pour discuter de l'avenir du Québec, mais pour surtout vouloir construire ensemble une meilleure société avec un partage des valeurs, une égalité et donc vraiment une considération de l'autre et de reconstruire sa relation avec l'autre pour pouvoir toujours mieux vivre et ce surtout pour les générations futures. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de symbolisme à l'intérieur de ça, mais j'ai eu une excellente réponse de condescendance et de mépris. Et elle m'a lu dans son dictionnaire amoureux du Québec sa définition des Amérindiens modernes. Et elle m'a dit que les Autochtones, c'était des gens qui venaient des réserves et qui arrivaient de là. Puis là, ils avaient des dépendances, beaucoup comme l'alcoolisme et la toxicomanie. Et que leur culture était vraiment quelque chose de dangereux pour le reste des Québécois et que ça ne devrait pas exister. Donc, je me suis dit, et voilà. La preuve que le racisme existe encore de nos jours. Ce qui était intéressant dans cet échange, pour moi, j'ai observé, je suis venu avec Natacha pour offrir du soutien. Et quand Natacha a commencé à parler, je me suis dit, bon, on est dans un salon du livre, c'est un lieu d'échange intellectuel. Sûrement, Denise Bombardier va laisser la place à Natacha pour exprimer un peu son point de vue. Mais Bombardier prenait son microphone et parlait plus fort que Natacha chaque fois que Natacha essayait de parler. Et finalement, quand elle a lu la définition d'un Amérindien à un autochtone, je me suis dit, j'en reviens pas. J'ai dit à Natacha, après, si on met ça dans une pièce de théâtre, un blanc qui lit la définition d'un autochtone à elle, c'est pas crédible, personne va croire. Tout le monde va dire, non, c'est un peu trop absurde. Personne ferait ça. Et là, je me suis dit, si aujourd'hui, il y a un blanc qui ose faire ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune compréhension du racisme. Une chose que les Blancs... Moi, je travaille beaucoup dans le néocolonialisme. Je travaille dans le Congo. J'ai écrit un livre là-dessus sur le Congo. J'ai un roman qui sort plutôt cette année sur le néocolonialisme américain en Afghanistan où j'ai travaillé. Une chose que je vois toujours, c'est la tendance du blanc de poser la question et de répondre lui-même comme si c'est lui, comme s'il a écoute, mais écoute pas. Il dit, ah, qu'est-ce que vous, vous voulez faire ici? Bon, vraiment, voilà ce qu'on devrait faire. Et on voit toujours le blanc qui offre les réponses en posant la question, faisant semblant, de semblable de d'écouter, mais qui n'écoute pas. Et c'est là où j'ai dit à Natacha, si Bombardier se rend pas compte à quel point elle est raciste, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ici au Québec qui sont même pas conscients de ce qui est le racisme. Alors, j'ai proposé ce livre qu'on écrit des lettres à l'un l'autre et qu'on essaie de déconstruire le racisme pour que qui que ça soit peut en parler. Il y a une dualité au Québec. Il y a tellement de dualité même. C'est que les gens vont dire, oh, être raciste, c'est affreux. Et en même temps, ils vont faire des choses très racistes. Si tu dis à quelqu'un, t'es raciste, c'est, non, je suis pas raciste, je suis vraiment pas raciste. Raciste, pour eux, c'est quelque chose mythique. Nous, on dit dans le livre, notre héritage est raciste, notre culture est raciste, notre façon de voir le monde est raciste. Pour en être conscient, il faut les déconstruire. Et il faut arrêter d'être coupable et de se défendre parce qu'on a peur de sentir coupable. Il faut juste dire, bon, on vit dans une société raciste et si on veut que ça change, on va faire un effort pratique pour le changer. On va faire des choses concrètes pour le changer. Notre but avec le livre, c'est que si quelqu'un dit à une autre personne, ce que tu viens de dire est raciste, l'autre personne dit, non, c'est pas raciste, mais l'autre personne puisse dire, je m'excuse, je me suis pas rendu compte, je vais y réfléchir, je vais essayer d'apprendre plus pour être conscient. Parce que, je dirais, une grande pourcentage de la population fait des choses et dit des choses racistes constamment. Donc, il faut ouvrir la porte et normaliser les discussions. Aider les gens à entrer là-dedans. Et donc, pour cette raison, dans le livre, Natacha et moi, on essaie de partager des choses très douloureuses même. On a parlé de nos familles, les histoires racistes qu'on a entendues, les choses racistes qu'on a fait nous-mêmes, même parfois ça faisait mal. J'écrivais une lettre à Natacha, puis j'envoyais des mails, puis pas de réponse. J'appelais, puis pas de réponse. Puis je laisse peut-être Natacha dire son point de vue là-dessus, mais... Oui, mais c'est ça qui était surprenant finalement, parce qu'au début, on s'en parlait, puis on voulait que ça soit un échange d'idées, de réflexions, etc. Et finalement, ça s'est retrouvé qu'on se racontait des anecdotes personnelles, puis comme normalement, on se dit, des fois, on raconte une anecdote pour illustrer quelque chose. Ça devenait vraiment finalement une suite de ça, de lettre après lettre, et ça devenait aussi des grandes réflexions sur les faits, mais sur la situation du monde et tout ça. Mais c'est ça qui m'a surpris, puis c'est ça en fait qui m'a donné la preuve que finalement le racisme, c'est pour ça qu'on le combat, c'est parce que c'est émotionnel, c'est profondément émotionnel, surtout pour ceux qui le vivent, et même ceux pour qui le sens, il y a quelque chose d'émotionnel quand même, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil, ou c'est une vieille blessure de l'enfance, ou même que quelqu'un, que leurs parents leur ont transmis aussi, c'est profondément émotionnel. Et là, justement, la manière dont ça me travaillait, moi, on était beaucoup dans l'idée du dialogue et de la réconciliation, en vue, moi, tu sais, par rapport à la commission de vérité et réconciliation. Et je me disais, voilà la preuve, à quel point ça me travaille. Moi, justement, des fois, je répondais pas. Puis là, je me souviens une fois, je trouvais ça tellement difficile. Je suis comme, j'en reviens pas à quel point je m'ouvre de même aussi, que je suis en train de lui raconter tout ça. Je le connais à peine, le gars. Mais en même temps, j'ai besoin de lui dire ça pour lui expliquer qu'est-ce que je pense de telle situation, tu sais. Fait que là, c'était vraiment devenu... Puis là, je voyais que lui aussi, de son côté, ça devenait profondément personnel. Puis finalement, ça soutenait vraiment notre propos. Mais c'est surprenant à quel point, parce que c'est se mettre en danger aussi, surtout quand c'est en vue d'être publié par la suite, parce qu'on avait vraiment l'intention de donner ça au monde, de permettre à des gens d'ouvrir les yeux des deux côtés, de ceux qui sont racisés et de ceux qui sont racistes. C'est de vraiment de finalement créer des ponts entre les gens, puis de vraiment d'aller éclairer tout ce qui se décompose dans nos relations entre peuples, entre cultures, et finalement justement tracer le chemin. Et c'est vraiment dommage, mais c'est le temps qu'on avait, parce que comme l'entrevue a commencé très tard, il faut quand même arrêter parce qu'il y a une mission après la nôtre. Mais je vous demanderai en une minute de proposer des pistes de lutte contre ce racisme. J'aimerais bien vous revoir à l'entrevue, parce que j'avais comme prévu presque l'heure au complet pour qu'on puisse discuter en profondeur du livre, mais comme l'heure n'a pas été... Oui. En tout cas, on n'est pas arrivé à 5 heures. Oui. disons ça comme ça. Ben, c'est tout le temps qu'on avait, mais est-ce que pour je serais ajouter un mot sur comment on combat tout ça. Mais pour il faut que les voix soient entendues. La démocratie ne marche pas si on n'entend pas les voix. Il faut qu'on change comment on enseigne l'histoire, que l'histoire vue du point de vue des autochtones soit bien enseignée, qu'on a des journalistes autochtones qui racontent leurs propres histoires, qu'on oblige des journalistes qui disent comme Bombardier, s'il va parler des autochtones, il va aller interviewer des autochtones. C'est pas à elle de donner des réponses, c'est d'interviewer les gens, de laisser place à leur voix, et après ça, de faire une investigation sur le privilège qu'ont les Blancs. Les Blancs n'arrivent pas à voir leur privilège. Ici, les Québécois disent, c'est nous les victimes, on était victimes des anglophones, mais il y a des victimes des Québécois aussi. Et donc, examiner ce privilège qui est invisible pour les Blancs n'arrivent pas à le voir, et la façon de faire ça, c'est d'avoir des autres points de vue, des minorités, des immigrants, des autochtones qui montrent leur point de vue et qui fait une culture avec beaucoup de dimensions où les gens vont arriver à se voir et concevoir que peut-être il y a beaucoup plus d'injustice dans le monde que qu'ils voient normalement. Attends, je te rajoute quelque chose. J'ai plus beaucoup de temps, mais vas-y quand même. Donner la voix aux personnes autochtones. Dans le livre, on a beaucoup de pistes de réflexion déjà. Puis comment je dirais ça rapidement aussi par rapport à ce que Denis a dit. C'est vraiment de... je propose aussi c'est d'arrêter d'aller que dans nos propres événements, c'est d'aller dans des événements de d'autres communautés culturelles, de d'autres communautés ethniques, et de partager, de voir les différences, non sans nécessairement se comparer, mais peut-être même se comparer positivement et dire ok, moi c'est comme ça que je fonctionne et l'autre fonctionne comme ça, puis c'est normal parce qu'on est fait, ça prend de tout pour faire un monde, puis il faut arrêter de penser que tout le monde pense de la même manière, puis que dès qu'ils disent quelque chose de différent, c'est très simple ce que je dis, mais je veux dire, c'est déjà la base. La décolonisation, ça passe par la conscience et ensuite par les gestes, parce qu'on peut mieux expliquer nos actions par la suite. Et vraiment, c'est des pistes de réflexion. Moi, je dis souvent que c'est la base, c'est vraiment de se conscientiser par rapport à ça. À quel point que, des fois, on a des préjugés, mais c'est la télévision, c'est les médias qui nous laisse empreinte de ça aussi, fait que je me dis que c'est par l'éducation que ça passe, puis c'est aussi par l'éducation populaire, puis je pense qu'il faut vraiment créer de plus en plus d'événements, de points de rencontre entre les gens, et de vraiment de parler de ces choses-là clairement, précisément, et de pas avoir peur de le dire. Pour confronter, combattre, et en terminer avec l'empreinte du racisme, pour faire un jeu de mots que les gens pourront penser. Alors, merci Denis Élie Béchard, et Natacha Canapé-Fontaine. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce livre qui est « Queer, je te salue, conversation sur le racisme » en plus en profondeur, dans un moment où on aura plus de temps. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Témiscamingtén.